après-midi, avec ménage, moi, mais dans la main, notre peau maintenant. Là, nous arrivons au bord de mer, puis avec mes poches, mes petits coquillages, pour nous chiper, garder vers le village. Là, nous fatiguons, allons t'y côté, pour nous dépêcher. Là, nous vivons d'amour, t'y côté, pour nous dégager, nous, comme on va, ouais. Dimanche après-midi, avec ménage, me mets dans la main, notre peau m'aimait. Là, nous arrivons au bord de mer, vivons mes poches, mes petits coquillages, pour nous chiffrer à quatre belles villas. Là, nous fatiguons, à nos petits côtés, pour nous dépêcher. Là, nous vivons d'amour, petits côtés, pour nous dégager, nous. Ça qui débirette là mes amis, comme il vit dans yeux moi mes amis. L'homme comprend la caresse, calvaire route il a laissé. Moi elle est réveillée, dit maman. Moi ouais, limite, mais ma rien qu'on fin de voguer. Moi d'un coup yon bête qui désolé, ouais les amis. Moi pas pour l'autre ou ma manier, ma belle elle est en bouée.

chez Gata, viens tout neuf. Papa Poulouka, également, j'en ai. Mon deuil avéré est là. Papa Poulouka.